Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. La constitution de la République du Burundi sera bientôt révisée après adoption par le Conseil des ministres tenu mardi du rapport de la commission qui était chargée d'inventorier les articles à amender. Maintenant, cette commission peut passer à l'étape suivante, nous dira Philippe Nzobonariba, porte-parole du gouvernement. Après plus de 7 reports d'audience, les avocats des 18 personnes accusées d'avoir attaqué le camp militaire de Mukoni en province Muyinga ont réclamé la nullité de tous les procès-verbaux sur ce dossier. Ces prévenus ont comparu ce jeudi en audience publique à la cour d'appel d'Ngozi. Nous aurons les précisions de notre correspondant. Et la police de sécurité routière a procédé cet après-midi à une séance pratique de sensibilisation des conducteurs pour le respect des feux tricolores dernièrement installés dans la ville de Bujumbura. Le constat a été que certains usagers de la route n'en savent rien. Et un décret présidentiel interdisant aux femmes et filles de battre le tambour a été rendu public depuis quelques jours et toute exhibition de troupes de tambourinaires en dehors des cérémonies officielles requiert une autorisation du ministre de la Culture. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Le gouvernement burundais a déjà donné son accord à la commission chargée d'amender la constitution à procéder à l'élaboration d'une autre constitution burundaise. Dans un communiqué à la presse de ce jeudi, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le 24 octobre courant, le Conseil des ministres a analysé le rapport de la dite commission et après son amendement, il l'a adopté et a ordonné à la commission de passer à l'autre étape. En somme, Philippe Nzobonariba dit que sur 307 articles de l'actuelle constitution, 77 seront amendés, 3 enrayés et 9 autres ajoutés. Suivez le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba. Comme principale proposition de la commission, il est proposé un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire, ses principaux caractéristiques étant que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct avec des prérogatives propres qui ne peuvent être déchues qu'en cas de haute trahison, avec un premier ministre, chef de gouvernement et responsable devant le Parlement et issu de la majorité parlementaire. Le président sera assisté d'un vice-président de l'ethnie et du parti politique ou indépendant différent du président de la République. S'agissant du pouvoir exécutif, des modifications sont proposées pour tenir compte justement du nouveau système constitutionnel proposé. Concernant le pouvoir législatif, des dispositions ont été identifiées pour être amendées afin de se conformer au traité de la communauté est-africaine, au principe du vote et à la majorité absolue, sauf pour les lois organiques, les résolutions, les décisions et des recommandations importantes où il est proposé une majorité de 3/5. S'agissant du pouvoir judiciaire, le rapport propose le respect des équilibres ethniques et du genre comme cela est d'usage pour les autres pouvoirs. Il est proposé aussi la mise en place du Conseil supérieur du parquet pour distinguer la magistrature assise de la magistrature debout. Concernant les collectivités locales, il est proposé que la commune soit administrée par l'administrateur communal sous la supervision et le contrôle du conseil communal au lieu d'être administrée par un organe collégial comme le conseil communal. S'agissant des conseils nationaux, il est proposé que la constitution reste verte pour qu'en cas de besoin, une loi organique puisse en créer d'autres. En définitive, sur un total de 307 articles, 77 articles ont été proposés à la modification, 9 nouveaux articles à créer et 3 articles à être élagués. Après analyse de ce rapport, qui constitue la première étape de la mission de la commission, le Conseil a donné son accord pour qu'un projet de constitution amendé soit élaboré après avoir enrichi ou amendé certaines propositions de la commission. Philippe Nzobonariba, c'est le porte-parole du gouvernement. Comparution en audience publique ce jeudi à la cour d'appel d'Ngozi d'un groupe de 18 personnes accusées d'avoir attaqué le camp militaire de Mukoni en province Muyinga. En comparution qui intervient après plus de 7 reports. Les avocats de la partie civile ont demandé la nullité de tous les procès-verbaux de Muyinga sur ce dossier, arguant qu'ils ont été établis sous la contrainte. D'autres précisions avec notre correspondant Apollinaire Mozagara. Ce procès a débuté par beaucoup de discussions à propos des tortures subies par ces détenus dès leur arrestation et même pendant l'interrogatoire. Tous déplorent la façon dont ils ont été torturés, certains affirmant même la perte de certains organes de leur corps. Il y en a même qui présentaient des traces de torture et parmi les preuves présentées, des clichés et autres documents médicaux. Les détenus ont pointé du doigt le personnel du Service national de renseignement à Muyinga comme les principaux tortionnaires. Qui les dictait même à dire, y compris les noms des personnes à charge et détenues, ont accusé aussi l'officier du ministère public qui les chargeait, comme quoi il les a torturés lui aussi quand il était procureur de la République à Muyinga. Pendant la flagrance au tribunal de grande instance de Muyinga, il y en a qui ne pouvaient même pas tenir debout, ont-ils souligné. Ils s'inscrivent toujours en faux contre la présence des tortionnaires durant l'audience au tribunal, chez l'OPJ, instructeur et même au parc. L'officier du ministère public a rejeté toutes ces accusations, parlant de manœuvres pour désorienter le siège. Les avocats à décharge ont clôturé en demandant à la cour d'appel d'Ngozi d'annuler tous ces procès verbaux de Muyinga établis sous la contrainte et de mener ses propres enquêtes. La prochaine audience pour entrer au fond du dossier est fixée le 9 novembre prochain. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Muzagara. Le décret portant réglementation de l'exploitation du tambour au niveau national et international a été signé ce 20 octobre 2017 par le président de la République. Ce décret interdit dans son troisième article aux personnes de sexe féminin de battre le tambour. Toute exhibition d'une troupe de tambourinaires en dehors des cérémonies officielles va requérir une autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions. Oban Niyonguru nous lit d'autres détails de ce décret. Selon ce décret présidentiel, toute formation ayant dans ses objectifs l'animation culturelle doit se faire enregistrer au ministère de la Culture. L'article 5 poursuit en disant que toute exhibition d'une troupe de tambourinaires en dehors des cérémonies officielles requiert l'autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions. Cette autorisation est notamment exigée lors des cérémonies de mariage, d'hôtes, de naissance, de remise de diplôme et autres. L'article 10 dit que la demande est introduite par l'organisateur de l'activité au moins 2 semaines avant, en précisant la date, le lieu et la durée du spectacle. Avant de délivrer toute autorisation, le ministère de tutelle apprécie la pertinence d'une troupe de tambourinaires à cet événement. L'article 3, quant à lui, interdit strictement aux personnes de sexe féminin de battre le tambour. Cette réglementation prévoit aussi des sanctions pour les recalcitrants. En accompagnement au jeu du tambour, elles peuvent néanmoins exécuter les danses féminines. 3 ministères sont chargés de la mise en application de ce décret, à savoir celui de la culture, des finances et celui du tourisme. La radio de l'avenir. Lancement ce jeudi d'une exposition des arts égyptiens et inauguration d'une bibliothèque en ligne du patrimoine égyptien par l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte et le ministre burundais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Le président de l'association Amitié Burundi-Égypte a reconnu que la jeunesse burundaise va tirer beaucoup d'avantages de cette exposition qui intervient durant la semaine dédiée à la culture, comme le précise François-Xavier Sahumana. C'était une occasion de procéder à l'inauguration de la vidéothèque ainsi que l'inauguration de la jeune association d'amitié des Burundais et des Égyptiens. C'était également une occasion d'annoncer un forum international prévu la semaine prochaine en Égypte. Au cours de cette semaine, la jeunesse burundaise a été conviée pour participer à ce forum international. Quels sont les avantages que la jeunesse burundaise recevra dans cette semaine de la collaboration entre l'Égypte et le ministère de la Jeunesse? Il y a plusieurs avantages que notre jeunesse burundaise peut tirer de cette organisation de la semaine de la culture. Vous avez vu qu'ils ont procédé à l'inauguration de la bibliothèque. La jeunesse peut venir faire la lecture des livres que vous avez vus. Ils peuvent y tirer des connaissances, mais à travers également mois la présentation cinématographique qui sera organisée au centre jeune Kamenge. La jeunesse également pourra tirer un certain nombre de valeurs dans ces films, mais également forme internationale qui a été annoncée ici, dans lequel la jeunesse burundaise va participer, pourra être bénéfique pour elle, notamment à travers les échanges sur les aspects relatifs au développement de l'Afrique, ce qui est important pour notre jeunesse burundaise. De la culture, on passe à la santé. Un psychologue reconnaît qu'il y a souvent des difficultés à annoncer aux enfants ou aux adolescents leur statut sérologique après un dépistage au VIH. Les conséquences ne manquent pas. Et un des jeunes vivant avec le VIH a indiqué qu'ils ont un rôle à jouer pour aider les autres jeunes pour accueillir courageusement leur sérologie. Au ministère de la Santé publique ainsi qu'au sein de l'association ANECA, ils disent qu'ils vont continuer à appuyer dans ce domaine. C'est un reportage de notre correspondant à Gitega, Arthur Kavarouchi. La problématique liée à l'annonce des résultats chez les enfants et les adolescents est une réalité et ne manque pas de conséquences selon ce psychologue. Il y a multiples causes. Par exemple, il y a les parents qui sont réticents à l'annonce de leurs enfants parce qu'ils ont peur d'être dévoilés dans la communauté, dans l'entourage. Ils ont peur des réactions de l'enfant parce qu'ils ne savent pas, après l'annonce, quelles seront les réactions de l'enfant. Les conséquences sont multiples. D'abord, du côté de l'enfant, qui a toujours des questionnements sur le pourquoi des prises quotidiennes du traitement. Il a causé. Nersi est une jeune fille vivant avec le VIH-Sida. Ici, elle parle de leur rôle dans la sensibilisation de leur père pour accepter de vivre avec le VIH-Sida. On échange des expériences vécues depuis notre enfance. Comme on sait que ça fait mal au cœur de comprendre notre sérologie, on fait des échanges en tant que jeune, un adolescent séropositif qui n'est pas au fur de comprendre sa sérologie. On fait des témoignages en tant que jeune. On leur dit que nous aussi on est séropositif, qu'on prend des médicaments ARV pour les aider. Docteur Gachouvigé Longin, qui travaille dans l'association ANECA, indique qu'ils vont continuer à appuyer dans ce domaine. Nous avons, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, entamé une série de formations et de sensibilisation des organisations œuvrant dans la lutte contre le VIH chez l'enfant et l'adolescent pour que ces derniers aient plus de connaissances et plus de capacités en vue de pouvoir aider les parents, aider les prestataires à pouvoir annoncer le résultat du VIH à l'enfant et à l'adolescent sans provoquer des problèmes psychologiques ou alors des problèmes mentaux. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. On passe maintenant à l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage se dit engagé dans la redynamisation du secteur agro-pastoral. C'est ce qu'a dit ce vendredi lors d'un atelier sur l'approche agricole appelé Plan intégré paysan, Séverin Wagori Kunda, secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui regrette que l'agriculture au Burundi soit de subsistance, mais rassure que le gouvernement est à l'œuvre pour la rendre commerciale. Dans le passé, l'agriculture burundaise était une agriculture de subsistance. Maintenant, le gouvernement a pris le secteur agricole comme le clé du développement de l'économie nationale. C'est pourquoi on est en train de mettre en œuvre certains programmes du ministère que le gouvernement a mis en place et que le ministère est en train de mettre en œuvre. À côté de ça, il y a eu ce protocole national de lutte contre l'érosion. Actuellement, on voit alors des investisseurs qui commencent à s'intéresser au secteur agricole. C'est le cas de la société Natura qui vient de naître pour la collecte des produits au Burundi pour la transformer en produits non périssables. Donc vous comprenez que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'actions pour qu'on quitte de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale. Le programme intégré paysan sous le financement des Pays-Bas, c'est une approche de vulgarisation qui est appropriée, que nous allons alors maintenant voir comment l'intégrer dans les documents stratégiques que le ministère utilise. Et la police de sécurité routière a organisé une séance de sensibilisation du fonctionnement des feux tricolores à l'endroit des transporteurs et certains administratifs. Le commandant de l'APCR indique que le constat est que certains conducteurs savent leur fonctionnement tandis que d'autres n'en savent rien. Roger Bangibigwira en appelle à tous à avoir le réflexe de conduite en interprétant ces faits de signalisation et au respect des règles de conduite. On l'écoute. Je dois dire que cette campagne a été préparée depuis un bon bout de temps parce que même si on voit que en général les usagers de la voie publique respectent les règles en rapport avec les feux tricolores, il persiste des lacunes, notamment en ce qui concerne le respect de certains aspects de ces règles, comme la priorité aux piétons, mais aussi il y a de certains réflexes qui ne sont pas encore intégrés dans la conduite que nous voulons inculquer dans le public en général et chez les conducteurs en particulier. Le message alors est de d'abord intégrer l'usage des feux tricolores dans la discipline de conduite, mais aussi, comme vous l'avez signalé, les administratifs comme les responsables des associations de transporteurs, au même titre que les médias, sont des agents au relais fiable de l'information et on espère que le message va parvenir aux destinataires, aux groupes que nous avons ciblés. La règle est de portée générale, c'est-à-dire que tout le monde est appelé à la respecter. Toutefois, il y a des circonstances particulières qui autorisent certains conducteurs à ne pas s'astreindre au respect des feux tricolores. Pour exemple, une ambulance qui évacue un malade dont l'état de santé est grave. Celui-là est autorisé de continuer la route là où les autres sont obligés de s'arrêter pour sauver la vie. Il en est de même pour les camions anti-incendie. Je signalerai aussi le cas, par exemple, du cortège présidentiel. Cette campagne concerne tous les usagers, que ce soit les conducteurs, les véhicules, les cyclistes, mais aussi les piétons. Roger Bangui-Guira, commandant de la police de sécurité routière. Et pour terminer ce journal, le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM explique que l'État ne peut décréter une loi de solidarité nationale que pour supporter les charges en cas de calamité et de catastrophe naturelle. Faustin Dikouman a réagi à l'annonce du ministère de l'Intérieur concernant une ordonnance ministérielle pour la contribution aux élections de 2020. Il fait remarquer par ailleurs que c'est simple de cotiser volontairement pour les élections. Suivez-le au micro d'Evrard, Hafzia Liman. Il faut alors commencer à prioriser cette dépense, provisionner même de l'argent annuel destiné aux élections d'art obligé ordinaire de l'État. Parce que si ça devient une loi, des fois il faut interroger si au niveau de la Constitution, si au niveau juridique, que la loi peut autoriser ça. Parce que moi, quand je consulte la Constitution, on voit que dans l'article 70, la Constitution précise que l'État peut décréter la solidarité nationale des charges, au niveau de supporter les charges, en cas de calamité naturelle ou de catastrophe naturelle. C'est assez clair au niveau de la Constitution. On se fait se demander alors que si au niveau juridique, la loi est recevable. Les élections sont une dépense ordinaire. On se demande si en 2020, par exemple, on organise les élections. Ça veut dire qu'au lendemain 2021 et 2022, on commencera à dire encore les cotisations pour les élections de 2025. Et puis encore cotisations de 2030. Songeons à faire une bonne priorisation budgétaire et une discipline budgétaire. Si le gouvernement fait un appel de contribution, on sensibilise à volonté. C'est tout à fait normal. Tout le moment aussi, je pourrais le faire même. Mais quand il s'agit d'une loi, il faut voir est-ce que la loi rentre dans le cadre juridique normal. Justement, nous voulons attirer l'attention au gouvernement. Alors qu'on n'a pas encore vraiment modernisé le système de gestion et de contrôle budgétaire pour dégager certaines zones d'ombre. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM. Et c'est par cette interview que nous bouclons ce journal. En vous rappelant que la constitution de la République du Burundi sera bientôt révisée après adoption par le Conseil des ministres et tenu mardi du rapport de la commission qui était chargée d'inventorier les articles à amender. Maintenant, la commission peut passer à l'étape suivante. Et après plus de 7 reports d'audience, les avocats des 18 personnes accusées d'avoir attaqué le camp militaire de Mukoni en province de Muyinga ont réclamé la nullité de tous les procès-verbaux sur ce dossier. Ces prévenus ont comparu ce jeudi en audience publique à la cour d'appel d'Ngozi. Et la police de sécurité routière a procédé cet après-midi à une séance pratique de sensibilisation des conducteurs pour le respect des feux tricolores dernièrement installés dans la ville de Bujumbura. Le constat a été que certains usagers de la route n'en savaient rien. Et un décret présidentiel interdisant aux femmes et filles de battre le tambour a été rendu public depuis quelques jours. et toute exhibition de troupes de tambourinières en dehors des cérémonies officielles requiert une autorisation du ministre de la Culture. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Jean de Dieu d'Aïsenga pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez une très bonne soirée. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent.